va parler de baseball. Vous l'avez vu en fin de semaine, c'était les débuts de Vladimir Guerrero avec les Blue Jays de Toronto. Vladimir Guerrero Jr. On l'a vu 2-3 fois à Sportsnet. On l'a vu également un peu partout, tout près de Vladimir Guerrero. C'est notre Perry G National, le plus grand partisan des Expos de Montréal au Québec et probablement dans le monde entier. Salut Perry. Salut Daddy, merci. Ça va bien, ça va bien. Comme une virus. Comme une virus, j'étais partout vendredi. Ah, c'était incroyable. T'étais à côté. C'était fun. Mais parle-moi avant tout de ta relation avec. Comment ça se fait que tu es rendu un ami de Vladimir Guerrero Jr.? Parce qu'on t'a vu sur les médias sociaux être photographié plusieurs fois avec. Parle-moi de sa relation avec les deux, tiens. Mais regarde, ça a vraiment commencé en 2016 pour notre fondation, pour ma nièce. Pour les gens de Montréal. Exactement ça. Ouais. Vladimir était un de nos premiers invités, dont ça a vraiment commencé là-bas. Il nous a aidés à ramasser l'argent pendant toutes ces années. Il fait des séances de signature avec nous, puis tout ça. Puis ça a vraiment commencé comme ça, avec Expos Fest. Après ça, on a suivi, c'est sûr qu'on a suivi Junior, là. Il était un bébé de 16 ans, puis on savait qu'il va être un monstre, là. So, j'ai dit à mon fils, garde, il faut qu'on s'en va à Toronto pour voir son premier match parce que c'est l'histoire, là. C'est l'histoire du baseball canadien, là. Ah, effectivement. Parle-moi de ta journée de vendredi. D'abord, la question que je me suis posée, il a tout fait pour se faire aimer, ce gars-là, là, par les partisans des Expos, arrivé avec le chandail de Vladimir Guerrero des Expos 27. Est-ce que c'est toi qui l'as fourni? J'aimerais dire oui. Non, c'était vraiment MLB. OK. C'était vraiment MLB. Il voulait faire comme quelque chose, comme il marchait dans les pieds de son père, mais tu imagines comment c'était quelque chose d'incroyable. Tu vois que les expos, là, sont pas oubliés nulle part, là. Non, même non. MLB, puis c'était de l'exposure à 100%. Tu sais, quand ta journée commence avec Vladimir Jugier dans un jersey des expos, et c'était incroyable. Et après ça, son père, dans notre loge, là, on était seulement des gars qui portaient des jerseys, des casquettes, des expos. So, c'était vraiment fun, puis une belle journée pour les amateurs des expos. OK. Tu as-tu parlé durant la semaine, la fin de semaine, à Vladimir? As-tu eu l'occasion de lui parler? Oui, on parlait. C'était tout au sujet de Junior. Tu sais, on parlait de qu'est-ce qu'il pensait, puis est-ce qu'il était nerveux, des affaires comme ça, mais Vladimir était tellement nerveux quand Junior était au bâton, tu sais, il voulait qu'il fasse quelque chose de spécial, puis ça a pris un petit peu de temps, mais dans le 9e, on a eu cette occasion, puis c'est là que la loge, il a explosé, on a tout capoté, parce que Junior, il est différent de son père, il est souriant, il est social, t'as vu lui pendant les matchs du week-end? Hey, tu vas me dire de quoi? C'était comme un gars qui jouait pour 20 ans dans les ligues majeures. Ouais. Tu vas me dire de quoi, Perry? Me semble qu'il parlait anglais. Moi, à Sportsnet, en fin de semaine, son entrevue était faite avec un traducteur espagnol. Ce gars-là parle pas anglais, je suis surpris, me semble, parce qu'il avait grandi à Los Angeles. Oui. Oui, il parle anglais, mais tu sais, dans un genre de conférences de presse, il est un petit peu nerveux quand même, c'est son premier week-end. Mais déjà, il parle bien meilleur que Vlad parlait à son âge. Donc, je suis certain qu'il va apprendre plus parce que il en a besoin. Tu sais, il va jouer à Toronto là, pour faire des deals, des affaires comme ça. Ça prend de l'anglais pour lui. Je pense qu'il va le faire. OK. Dis-moi maintenant, on a parlé beaucoup de son poids. Est-ce que ça l'inquiète? Est-ce que lui est conscient de ça? Non, je pense pas que ça inquiète parce que, regarde, c'est bizarre, mais quand tu le vois dans un uniforme, il a l'air plus gros, mais si tu checkes les photos qu'on prend ensemble et tout ça, c'est pas un gros bonhomme. Il est grand, là, il est costaud, mais il est pas. Peut-être qu'il a besoin d'une il pèse 230, là, les gars, 255. C'est beaucoup pour un gars de 20 ans. S'il garde son poids à cette. C'est sûr que s'il commence à prendre une autre 10-15 livres, c'est pas bon. Ouais. Mais s'il reste de même, là, je pense qu'il va être correct. Regarde, les Jays, vraiment, ne s'inquiète pas plus que ça. Donc, mais je pense que Junior va apprendre aussi qu'il a besoin d'être un petit peu plus shape parce que regarde ce qu'ils font avec lui. Hein? Ça fait deux matchs qu'ils ont mis un coureur, pitch runner, c'est quoi, un coureur supplémentaire, pour lui, là. Ouais. Ouais, ça, c'est un pitch runner. Le pinch runner, c'est ça. J'étais un petit peu fâché avec ça. Je me je pense pas que Junior il est content de ça non plus. Peut-être ils font ça pour passer un petit message. Regarde, tu veux rester dans les matchs, il faut que peut-être tu perdes de 10-15 livres. Là. Mais il ne pèse pas 250, il pèse à peu près 230. OK, OK. Dis-moi, la réaction des médias à Toronto, c'était quoi? Moi, je vais te dire une affaire, parce que j'ai parlé la semaine passée avec un gars qui était aux Raptors puis aux Leafs, puis il disait que les Jays, il commençait à y avoir de l'indifférence à Toronto envers les Jays. Ça, c'est pas bon, ça. Là. Évidemment que tout ce qui se passe, cette administration-là, je suis pas en amour avec cette administration-là, mais est-ce que Vladimir Guerrero, les gens, en fin de semaine, il y avait un certain buzz dans les médias à Toronto, c'est les lignes ouvertes, est-ce que tu as entendu quelque chose là-dessus? Mais il y avait vraiment un buzz le vendredi. Ouais. Imagine-toi, là, il y avait 28 000 le vendredi. Sans Junior, c'était sûr et certain, là, peut-être ils auront fait entre 15 et 18. Mm. C'est ça qu'ils font plus ou moins, là. Le samedi, c'était 22. Puis je pense dimanche, c'était à peu près la même chose. Donc, les fans sont un petit peu énervés avec les Jays à cause des dernières deux années. Mais, tu sais, ça m'a fait penser le monde qui chie sur Montréal, puis ils disent que nous autres, on soupare juste les winners puis les équipes qui gagnent. Hey, qu'est-ce qu'ils font à Toronto? Ils ont perdu 900 000 spectateurs l'année passée. Oh. 900 000! Je pense que c'est un record dans l'MLB. Ouais. Donc, cette année, ils vont perdre encore. Mm. Parce que le monde sache qu'ils vont pas gagner. Ils vont être pas une équipe qui va gagner 100 matchs ou ils vont pas faire les séries. Toronto, il paraît comme nous autres. Locky, locky, locky. Les autres sports, tu gagnes, on va être là. Donc, you know what, tout le monde y est pareil, sauf les grandes villes comme Chicago, New York, Boston. Les autres peuvent perdre 5 fois par semaine, puis le monde va les supporter quand même. Mais les autres villes dans les États-Unis puis Canada sont pareils, man. Il faut que tu aies un bon produit. Puis ça fait 2 ans que les Jays n'ont pas fait ça. On a écœuré le Montréal, on en a parlé souvent, Perry, puis là-dessus, on est d'accord, je dis bien, on est d'accord, tu peux pas écœurer toujours le monde. Tu peux pas toujours écœurer le monde. Faut qu'à un moment donné, t'envoies de l'espoir aux partisans. Ouais, c'est ça. Puis écoute, les expos en dernier, ça l'était plus, puis si les expos 2.0 reviennent, au moins, il va falloir... Mais je pense qu'on répétera pas les mêmes erreurs qu'on a fait du tout. Non, je pense qu'on a une fenêtre, là, quand même, de 5 ans. Mais après 5 ans, là, si on gagne 75 matchs, puis on perd 90, whatever, ça va pas, le monde va être pas là à 30 000 personnes dans chaque match, là. Si on peut faire comme 20 000 par match, on va être correct. Mais il faut quand même, on donne un bon produit. Puis la meilleure façon de donner un bon produit, c'est si on trouve un Québécois pour jouer, dans une position premier but, deuxième but, whatever, 140 fois par année. Ça serait la meilleure chose si ça peut arriver, là. OK, pas un junior, là, whatever, ça sera fun aussi. Mais quelqu'un qui peut jouer. Un Charles Leblanc qui exactement, va bien. Exactement, un Abraham Toro qui ça. Va. Hein? Exactement. Quelqu'un comme ça, c'est pas nécessairement un lanceur, parce que les lanceurs, quand même, c'est une fois par cinq, tu vas le voir 30 fois par année. Mais un gars qui joue en position, là, tu vas le voir 130, 140 fois par année, puis ça prend ça. Ça prend des enfants qui disent, regarde, il est capable, lui, de faire les majeurs, il vient du Québec, là. Je suis capable aussi. C'est pour ça que l'hockey marche. Tous les enfants qui jouent l'hockey pensent qu'ils vont débuter dans la Ligue nationale dans 10 ans. Tu sais? Oui, effectivement. Là, les Rays gagnent, ils sont au premier rang. Moi, j'aime pas ça, moi. Ça va être dur à déménager, ça. Hein? Ben, le monde s'en fout quand même. C'est une autre question très bizarre. Tu n'attends absolument à rien là, de ce côté-là. Puis, j'imagine qu'à un moment donné, il faut qu'il bouge, il faut faire quelque chose, là, tu sais. Parce que Manfred veut faire l'expansion, puis ils disent la même chose. Il faut régler le gigus de Tampa puis Oakland. Mais tabarouette, réglez. Ben non, c'est sûr. C'est le temps. Là, il y a une convention collective qui est sur le bord. D'après moi, ce qu'il va attendre, c'est la convention collective qui est en 2022. Mais c'est long, c'est très, très long. Oakland, c'est réglé, c'est pratiquement réglé. Tempo, ça reste à voir encore une fois. Ben Perry, merci beaucoup, c'était fun. C'était pas mal le fun de te voir à Sportsnet plusieurs fois à côté de Vladimir. Il va bien, Vladimir. Hey, dis-moi, c'est-tu vrai qu'il y a un autre garçon qui a 14 ans, qui est un frappeur gaucher, qui est aussi bon. Oui, un frappeur gaucher, Il est aussi bon que que Vladimir. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça annonce très bien pour lui. Puis en plus, ça va être le premier Guerrero qui parle parfaitement anglais parce qu'il est né en Floride, puis toute sa vie est en Floride. Donc, lui, il va parler faire une carrière, anglais hein? Tout le monde. De quoi? Lui, veux-tu faire une carrière dans le baseball, lui aussi? Est-ce que c'est... C'est sûr, man. C'est sûr qu'il va faire. Vladdy Miguel, je me souviens son nom maintenant. Vladdy Miguel, c'est ça le nom de... Vladdy Miguel. De ce jeune homme. Vladdy Miguel Guerrero, oui. Ah, OK. Donc, il va être... s'il continue comme ça, là, c'est un autre Guerrero qui va faire les ligues majeures, c'est sûr. Il y a 14 ans, on l'a vu l'année passée, un frappeur gaucher. Je pense qu'il joue au premier but, si je me m'abuse. Ouais, il est un petit peu costaud aussi. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de choix. Ouais. Donc, c'est un autre gars de premier but ou DH là, dans le futur. C'est donc, peut-être il va perdre 2-3 livres, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est ça, c'est un premier but. OK, OK. Perry, gros merci. On s'en reparle un autre tantôt. Perfecto. Le plus grand partisan des Expos de Montréal au Québec, Perry G.